Lettre 28e, Larissa à Junia Marcella, Nisibis, octobre 301. Les plaisirs de ce monde, ma Junia, ne sont jamais de longue durée. Dieu les accorde à l'homme mortel pendant quelques instants, pour nous donner une idée de ce qu'il attend après cette vie, mais il nous les ôte, pour nous montrer que cette terre n'est pas notre véritable patrie, et pour ne pas nous y attacher trop fortement. Des compagnons de voyages agréables, et avec qui nous voudrions faire toute la route, nous accompagnent quelque temps et puis disparaissent. Des contrées délicieuses où l'on aimerait à s'arrêter s'offrent à notre vue, mais le sort nous entraîne. Il faut aller en avant, quitter ces lieux enchanteurs, traverser des vallées sombres, effrayantes, environnées de précipices. Quelquefois, on rencontre encore un doux ombrage. On marche sur des fleurs, mais plus souvent sur des ronces et des cailloux qui blessent et déchirent. Et l'on arrive enfin sur une hauteur rayonnante de gloire où l'on trouve repos et bonheur éternel. Mais moi, pauvre voyageuse égarée, combien j'en suis loin encore! Le court espace de mon bonheur passager vient de s'évanouir. Des nuages s'élèvent de toutes parts, ils obscurcissent ma route, qui devient à chaque instant plus pénible. Dieu seul sait ce que je deviendrai, mais l'idée qu'il le sait, et que je puis en toute sûreté m'abandonner à sa volonté divine, suffit pour me rassurer. Il ne peut vouloir le mal. Ainsi les épreuves qu'il m'envoie sont bien sûrement pour mon bien à venir. Qui est-ce qui ne supporterait pas un jour de mauvais chemin, une nuit de mauvais logement, avec la certitude d'arriver dans le séjour où l'attend un bonheur sans mélange et sans fin? Démétrius, à peu près rétabli de ses blessures, commençait à se lever et à former des plans avec ses officiers pour le reste de cette campagne et pour la prochaine. Content de moi, aimant Agathoclès, nous le témoignant tous les deux par sa bonne humeur, je n'avais jamais été aussi heureuse lorsqu'il arriva tout à coup un ordre de Dioclétien à Démétrius de remettre le commandement de son armée à Marcius Alpinus, actuellement favori de César et jadis tribun du peuple. Il est déjà en chemin pour remplacer Démétrius. Le prétexte de sa disgrâce est son expédition trop hasardée sur Nisibis, que le succès même n'a pas justifié. On lui fait un crime de l'avoir risqué avec si peu d'espoir de réussir et d'y avoir sacrifié autant de monde. Mais on ne dit pas combien cette armée était déjà fondue par les maladies, les besoins de toute espèce, et comme on la laissa sans secours, de propos prémédités. À quoi bon répéter ce qui ne sert plus à rien, ce qu'on ne veut pas savoir? Quant à moi, je ne suis fâché de cet événement inattendu que par la peine que cela fait à Démétrius. Sa santé, qui se rétablissait à vue d'œil, en a beaucoup souffert. Son humeur est devenue sévère et mordante. Tout ce qui l'entoure en souffre, et moi plus que personne. Et il a donné à l'instant sa démission, ne voulant pas servir, dans un grade inférieur, un maître injuste et ingrat. Et dans peu de jours, nous partons pour habiter notre villa sur les bords du Bosphore. Tu vois, Junia, que toutes les circonstances, d'accord avec tes conseils, favorisent ma séparation avec Agathoclès. Il faut que je t'avoue que, malgré les murmures de mon cœur déchiré, je crois que c'est un bien pour tous les deux. Je commençais depuis quelque temps à voir avec chagrin qu'il ne partageait pas mes sentiments paisibles. Une agitation inquiétante se faisait remarquer dans tout son être. Ses regards se reposaient rarement sur moi, mais quand je les rencontrais par hasard, leur expression n'était pas celle que j'aurais désiré d'y trouver. Il recevait les assurances de ma tendre amitié, tantôt avec une chaleur trop ardente, tantôt avec un froid glacial. Quelquefois, il me recherchait avec empressement et ne pouvait me quitter, et tout à coup il m'évitait de la manière la plus marquée. Il était inégal dans toutes ses actions et presque humoriste, et la douce paix de mon cœur s'envola par cette conduite extraordinaire. Je croyais cependant ne faire qu'une expérience de tous les temps. C'est que les hommes ne savent pas aimer comme nous et se contenter du sentiment délicieux d'une amitié exaltée par une nuance plus vive et plus tendre. Elle n'est rien pour eux, tandis que pour une femme vertueuse et sensible, c'est le bonheur suprême. J'eus de la peine à me faire l'idée qu'Agathoclès ressemblait en ce point à tous les autres hommes, moi qui le plaçais si fort au-dessus. Mais combien il leur ressemble mille fois plus encore, que jamais je n'aurais pu l'imaginer. J'ai remarqué que depuis quelque temps il reçoit fréquemment des lettres de Nicomédie, qu'il répond avec empressement, et qu'il a l'air plus occupé, plus pensif qu'à l'ordinaire. J'ai vu par hasard l'adresse de l'une de ses lettres. Elle était à une femme, à Calpurnie Pisona. C'est la fille de Lucius Pison, chez lequel Agathoclès a demeuré à Rome. J'ai souvent entendu parler de l'attrait irrésistible de cette belle personne. Agathoclès en convient, mais avec un léger embarras qui en est, à mon avis, la plus forte preuve. Hier, il nous annonça que Tiridate l'invitait à se rendre à Nicomédie et qu'il quitterait Nisibis avant nous. Je ne comprends pas l'enchaînement de ces circonstances, mais je suis convaincu qu'elles sont liées et que c'est Calpurnie aussi bien que Tiridate qui décide le départ d'Agathoclès. Je suis fâché sans doute que si près d'être séparé, il en hâte lui-même le moment. Mais je le suis bien plus, je te l'avoue, de son manque de confiance. Il me ferme son cœur, à moi, son ami d'enfance, qui n'eut jamais une pensée qui lui fût cachée, qui partage ses sentiments et ses souffrances. J'ai 2 jours encore à passer avec lui, peut-être les derniers de ma vie. Il est bien incertain que je le rencontre jamais. Mon bonheur s'est évanoui comme un songe. Je devrais, je le sais, bénir l'heure qui nous sépare pour toujours. Ah, Julia, j'en suis incapable. Dans ce moment même où la crainte trop bien fondée d'avoir perdu l'amour et la confiance de mon ami devrait alléger le poids cruel de la séparation, je suis sans force pour la supporter, et je frémis autant à l'idée de ne plus le revoir qu'à celle de n'être plus aimé comme j'ai cru l'être. Que vas-tu penser de moi, Julia? Qu'est devenu ce temps où je désirais qu'il pût m'oublier pour être heureux? Que nous sommes faibles et pleins de contradictions, et que nos vertus sont légères quand la Providence les met à l'épreuve. Ah, pourquoi l'arrivée d'Apelles a-t-elle été retardée? Sois persuadée, Junia, que soutenue par lui, ton ami ne serait pas aussi faible. Tu m'écris qu'il viendra, mais quand et où me trouvera-t-il? Je pars dans 5 jours, avec Démétrius pour notre terre de Trachène, dans la plus triste des saisons et dans une solitude complète. Je vais passer ma triste vie à côté d'un vieillard mécontent, malade, aigri par l'injustice. Ah, si Apelles pouvait m'y rejoindre! Mes larmes au moins couleraient librement. Il fortifierait mon courage par cette religion sublime dont il parle avec tant d'éloquence. Peut-être retrouverai-je une ombre de cette paix que j'ai perdue. Dis-lui, ma Junia, tout ce qui se passe dans mon âme et combien j'aurai besoin des conseils de sa sagesse pour retenir mes sentiments et mes pensées dans les bornes qui me sont prescrites. Dis-lui que Larissa est faible, malheureuse. Et cet ami des infortunés viendra bientôt à mon secours. Adieu. Adresse ta première lettre à Trachène, sur les bords du Bosphore.